Deuxième partie. Entre la poire et le fromage. Non, non et non. Je n'irai pas passer un mois sur un terrain de camping. Et moi, je ne vais pas passer un mois dans un hôtel. J'ai besoin de changement. Allons, Louise. Explique à ton fils que nous voulons au moins pouvoir dormir pendant nos vacances. Moi, ça m'est égal. Je dors n'importe où, n'importe quand et n'importe comment. Oh, ça, ce n'est pas vrai. Quand nous dormons la fenêtre ouverte, tu dis que tu ne peux pas fermer l'œil à cause du bruit. Et quand vous dormez la fenêtre fermée, maman dit qu'elle étouffe.